L'alcool sur moi, pourtant je m'aime pas la demi-molle. Deux, trois messages, un corps à corps, elle sait qu'à foutre, demande du love. Laisse pas ton frotte devant mon ex, devant ma pute, boy. A tous les coups, à tous les coups, elle va dire là, j'aime pas que tu suis, je préfère que tu gardes dans le télo ou dans la cave. Où tu veux, quand tu veux, mais le minimum c'est que tu sois bonne. Mini crop, où tu vois plus, ouais, c'est normal, il fait sa thune. Mini crop, tu l'entends plus, si tu veux le voir, va sur YouTube. Si tu veux le voir, va sur YouTube, sur Facebook, sur Deezer, sur Deezer, sur iTunes, sur iTunes, sur Insta, sur Insta, et même sur Safari. Comme un jet ski nella stanza, fumo solo cioccolata, tu rimani blacca, jolly musti flaca. Tu racconti tutta la pula, non ho mai chiesto scusa una biccia, fianco che conta la mula, la vita è dura ma solo la tua, ma contento di quello che ho, porto extra extra per i bro, e sono fucked up, vedo fluo con la lean, candy come ad Halloween, all'avventura con Finn, lei mi chiama West Lil. Ooh damn, nel mio letto tipo a caso come c'è True Land. Uber con due bitch su un rent. Non sei Tony Montana, sei solo montato. Ti prende male se senti uno sparo. J'te bolla avec ma squadra, juste après avoir tapé cette quadra. J'honneur Bambo, fais pas des quattro, Porto Rico ou Équateur. MGP, j'sais même plus comment j'me sens ni même où j'suis. J'suis pas méchant, mais corps qui m'aime me suivre. Et je ne ferai pas que ça tape. Plus de pète et plus de couches pour mes potes, hey. Plus de pète et plus de tasses pour ma bite. Oh, mais honnête, quand j'sais pas si t'as saisi tout se passe ici. Pas offrir ma boîte de lettres, j'peux avoir une lettre des huissiers. Sans souci d'où j'suis issu, hey. Traîne pas avec ces mecs.